Bonjour. Je vois que vous êtes cheminot à Sotteville. Oui. Votre prénom, c'est quoi ? Moi, mon prénom, Thierry. Bonjour, Thierry. Bonjour. Vous étiez là en 95 déjà, sur Sotteville ? Oui. Sur Sotteville, oui. Ouais. J'ai fait tout 95. On a payé un lourd tribut, mais aujourd'hui, je pense que c'est. On est là pour aider la population. Parce que je crois qu'ils ne se rendent pas compte que de travailler 43 annuités, voire peut-être plus dans les années à venir, parce que le prochain gouvernement pourra nous remettre 2 ans s'il a envie, et on ne peut pas laisser faire ça. Il faut trouver un autre moyen. Moi, je suis mécontent parce que on ne peut pas nous demander de travailler encore plus. Alors que pour rentrer à l'EHPAD, on nous demande d'avoir 60 ans. Donc 64 ans pour rentrer à l'EHPAD, on y sera déjà, quoi, aussi. Et puis ça coûte cher, l'EHPAD. Hein. Voilà, c'est ça, et ça coûte cher, oui. C'est pas donné, hein. Après, la situation, elle est grave pour le gouvernement, parce que c'est pas logique de faire payer un lourd tribut, parce que pour l'instant, les grèves, on sait que ça coûte cher. Hein. Il faut qu'il débloque son truc, il faut qu'il l'enlève, puis qu'il repense autrement. Pour l'instant, ce que nous on a, c'est ça nous convient bien. Ils embauchent pas, donc on ne peut pas remettre des sous dans la caisse si on n'embauche pas. C'est pas possible. La retraite par répartition, c'était ça. Une embauche, un retraité. Là, à l'heure actuelle, c'est pas du tout ça. C'est 3 retraités, une embauche. C'est l'inverse. Donc on ne peut pas y arriver. Voilà. Et la fameuse clause du grand-père qui fait qu'il y en a qui gardent le statut puis d'autres non. La clause du grand-père, qu'on garde le statut. Moi je suis pour qu'on garde notre statut, mais pourquoi eux ils n'appliquent pas leur truc à notre statut ? Que tout le monde parte à 55 et qu'on embauche les jeunes plutôt. La clause du grand-père, pour l'instant, eux ils appellent ça la clause du grand-père, mais ils nous parlent de la prime du charbon qu'on ne touche plus depuis bien longtemps. Il faut qu'ils arrêtent de mettre ça dans les médias. Ces primes-là, ils n'existent plus. Hein. Il y a beaucoup de primes qui ont disparu avec le temps. Quoi. Donc, malheureusement, je crois que c'est pour ça qu'on en arrive encore là aujourd'hui. Et en 95, le technicentre de Sotteville, il était très puissant. Et dans le fait, il y avait... comment toutes les motrices étaient stationnées ici. Le gouvernement a fait changer les habitudes des cheminots et donc ils ont mis les technicentres un petit peu partout dans la France pour pouvoir regrouper tous les chauffeurs à la même place. Donc au jour d'aujourd'hui, on a des assemblées générales et on sait où sont nos chauffeurs et nos agents de conduite. Hein, ils sont dans le même mouvement que nous. Sauf qu'ils sont à un moment donné, ils ont leur congé et comme ils sont en congé, on ne peut pas comptabiliser ces gens-là en grève. Donc leur compte, ils les font comme ils veulent. Et il y a 25 ans, du coup, il y avait une grosse capacité d'action lutte sur le technicentre qui a moins aujourd'hui, mais vous faites partie des résistants. En 95, en brigade, on était 3 brigades de 15. Aujourd'hui, on est 2 brigades de 7. Entre 7 et 10. Donc vous calculez, hein, 3 fois 15, 45, là 2 fois 7, 14. Ça fait moins 30. Donc vous comprenez au chemin de fer pourquoi on nous dit qu'on est obligé de remettre des sous dans nos caisses. Mais c'est à cause d'eux, hein, ils veulent pas embaucher. Donc, et on est tellement bien payé que les gens ils viennent et ils s'en vont. On leur promet monts et merveilles, mais c'est pas la chose. Hein. C'est plus comme en 95 où moi j'ai été embauché en 90, où la sûreté de l'emploi, c'était pour ça que j'ai signé moi, la sûreté de l'emploi, et on devait partir à 55 ans. Là ils ont bafoué mon contrat, parce que c'est plus 55 ans, moi c'est 58 ans maintenant. Et je travaille dehors toute l'année. Il pleuve, il vente, il gèle, qu'il y ait du soleil, c'est la même chose. Et on nous dit pas, les pauvres, c'est les cheminots, c'est des nantis. Et oui, mais les cheminots, ils ne sont pas tous nantis. Hein. D'accord ? Il n'y en a pas beaucoup des nantis, même. Non, ouais, voilà, c'est ça. Nous, en travaillant dehors, on est quand même assujettis aux intempéries de toute l'année. Qu'il fasse beau, hein, comme je vous ai dit. Hein. quand il y a des coups de chaleur, on est obligé de travailler parce que, comment, chez nous, il y a des trucs, il y a le métal, ça s'allonge, donc comment, il y a des mesures à prendre, quoi. Et donc, c'est compliqué. Et puis avec des horaires aussi, les rails, il faut s'en occuper la nuit aussi, quoi. Oui, c'est ça, il n'y a pas de... Il y a jour, nuit, il y a des 3-8, un peu comme dans les entreprises Renault, où j'ai travaillé aussi, hein, quand j'étais jeune. Hein. Et après, comment c'est comme ça, hein. Mais comment, moi, je ne vais pas bouger ma position tant que le gouvernement n'aura pas bougé. Ils sont têtus, mais moi aussi. Et vous, votre boulot, là, c'est quoi exactement? Moi, je suis agent voie. C'est-à-dire, vous faites quoi? On s'occupe de tout ce qui est comment, remplacement de traverse, remplacement de rail, et puis comment la maintenance des voies, tout ça, d'accord, pour que les trains roulent. Ouais. Voilà. C'est du boulot dans le dur, quoi. Ouais, c'est ça, oui. Et... Okay. Merci, Thierry. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci. Mais après, c'est des souvenirs, voilà, quoi. C'était une belle lutte, hein, 95. Ouais. Une grande et belle. C'est dommage, on aurait dû tenir quelques jours de plus pour obtenir plus de choses qu'on regretterait peut-être pas aujourd'hui. Et une fois que c'est signé, que c'est rentré, on sait qu'ils ont du mal à les enlever. Mais ça a été décidé comme ça. Mais en 95, on est parti sans les syndicats au début. Hein. C'est une grève qui est partie de nous. Donc c'est pour ça qu'on savait que ça serait dur. Mais là, celle-là, elle était prévue. Donc il y a beaucoup de gens qui ont... Comme moi, j'ai mis un peu d'argent de côté avant pour, parce que je me doutais que ça durerait un peu plus que 95. Mais comme au jour d'aujourd'hui, moi, je tiens encore. Donc, mais il y a encore beaucoup qui tiennent. Après, c'est comme dans tous les mouvements, hein, c'est comme ça. Hein. Mais je pense que les gens, il faut qu'ils viennent plus... Parce que le samedi, c'est fait pour eux, hein. Pour ceux qui ne peuvent pas venir en semaine. Que je comprends, hein. J'ai bossé dans des boîtes où il n'y avait pas de syndicat, et pour faire grève, c'est dur. Mais les gens, là, le samedi, il faut qu'ils viennent. Hein.